Party avec le concours de USA Import à Lille et de Disco Parnasse à Paris. Salut bande de Boufoukesh, c'est Cocteau, le commandant Cocteau dans la radio à bord du 17e Space Party avec un son spatial dans ma voix. Oui, c'est vrai, je suis dans votre baffle gauche si vous habitez la province. Par contre, je suis dans votre baffle droite si vous habitez Paris et la région parisienne. Ça fait bizarre de parler comme ça, mais c'est tellement bon, c'est tellement spatial. Space Party, c'est plus fort que l'apparition du Moumoulen. Space Party, c'est plus fort que de souffler trois bougies d'un seul coup avec un chapeau bavarois. Space Party, c'est plus fort que les chicots de Paul Prébois. Un Space Party particulier aujourd'hui, afin de péter les plombs à la maison. Un Space Party qui fait du bruit, avec dans la première session du non-stop, E7, THK, Sonic Solution, Shaman, The Edge of Love, Nightmare on Wax, Transformer 2, Human Beings, DJ Bunter, Hunter. Attention, il est temps que tu saches que la soupe de morve dans ton cartable, c'était moi. Oui, et le poil à gratter dans ton duvet au week-end scoot en 75, c'était moi aussi, je suis désolé. Hein. Et la platine cassette que j'ai dû revendre l'année dernière, elle était tombée 4 fois par terre, mais c'est de ma faute, je suis désolé, mais je l'ai remplacée par une courroie, par une ficelle, tu peux vérifier, hein. On dirait une mobilette. his face, and he goes by the name of Ebenezer Good. His friends call him Ezer, and he is the main geezer, and he vibes like the place like no other man could. He should find it sublime, he makes you feel fine. They're very much maligned and misunderstood. But if you know Ezer, he's a real crap fever. He's ever so good, he's ever needs a good. You see that he's mischievous, mysterious, and devious. When he circulates amongst the people in the place, once you know he's fine, as something of a genius. He gives a grin that goes around face to face to face. Backwards and then forwards and then backwards. Ezer is a geezer, he loves to muscle in. That's about the time the crowd has shouted the name of Ezer, and he's punched in the corner laughing by the bass. sur Énergie. Dimitri aux OVNI. Space Party. Énergie, le Space Party, pour éviter d'être aigri. C'est vrai, hein? Pour éviter d'être aigri, de se dire que dans une demi-heure, c'est fini. Avec une première et une deuxième session un peu spéciale tout de même aujourd'hui, il faut bien l'avouer, entre la musique de Sauvage et puis une deuxième session que je vais vous annoncer, vous allez voir. Laurent Garnier, Speedy G, Art, Second Soul, Dr. Fernando. Et puis après, dans la deuxième partie de la deuxième session, un petit zapping des titres qui sont numéro 1 dans mon cœur depuis 3 ans et un jour. Mais c'est incroyable, c'est du délire total, oui. La folie est folle. Attention, vous êtes tous filmés. We'll be right back. We'll be right back. this while the red carpet spins. Just dance and move your body. Tu es qui toi? la cheminée. Moi, j'aime bien, moi. Dans la cheminée. Moi, j'aime bien, moi. La mère Noël ne va pas tordue. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Steve Austin est tout excité. Super Jimmy ne va pas tordu. Énergie, le 17e Space Party s'achève. Il va falloir attendre une semaine avant de bloquer notre radio et de jeter le bouton, avant de faire la fête et pas la tête, avant de réveiller les morts. Le commandant Cocteau, COCTO de la radio, vous salue, vous embrasse. Si vous voulez m'insulter, si vous voulez parler de votre voisine qui a des problèmes de sexe, si vous voulez m'écrire des poèmes, 3615, code Énergie, boîte aux lettres Cocteau, COCTO, ou bien 39 avenue Diana, 75 116, Paris. D'ici la semaine prochaine, méfiez-vous des peintres en bâtiment, ils sont tous fourbes. Pour l'instant, l'heure du grand choc. 14h du mat. Je vous avais prévenu. Space Party avec le concours de USA Import à Lille et de Disco Parnasse à Paris.